السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله. Donc on va continuer dans la lecture de notre livre qui est بهجات قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. On avait débuté en France il y a cela près d'un an ou un peu plus, qu'on a fini par poursuivre en étant au Yémen. Et aujourd'hui, on le poursuit encore. Biznillah ta'ala. Et ces jours-ci, le programme sera changé. Il sera changé. Je n'ai pas encore les horaires exacts. Car Qadar Lama Chafarel, un cadre de force majeure, m'a contraint à revenir en France encore. Là, actuellement, je suis encore en France depuis quelques jours. Et pour combien de temps, Allah Ta'ala Alem. Quoi qu'il en soit, cela va amener à changer des horaires. Et d'autres doulous dans la semaine seront donnés dans un autre livre. Je ne sais pas s'ils seront transmis en direct ou pas encore, on verra. En tout cas, cela, on les continue, Bismillah. On les continue. Et j'établirai un horaire fixe à partir de la semaine prochaine. Inch'Allah. Aujourd'hui, on fait à cette heure-là. Demain, je pense qu'il n'y aura pas de ders. Ou alors peut-être après le Maghreb. Entre le Maghreb et l'Isha, je ferai une annonce. Et dimanche, je ferai l'annonce également de l'horaire. Barakallahu fikoum. Yaqul al-mu'allifu rahimahullah ta'ala fil hadith al-sabi' wal-khamsin. 57e hadith. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. Donc il a dit النبي صلى الله عليه وسلم que si jamais le juge fait un effort, un ijtihad, et qu'il voit juste, alors il a deux récompenses. Et si jamais il juge, mais qu'il se trompe, alors il a une seule récompense. Et le hadith, il est muttafaqun alayh. Al-murad bil-hakim wa alladhi 'indahu min al-'ilm ma yu'allihuhu lil-qada. Wa qad dhakara ahlu al-'ilm shurut al-qadhi, fa ba'dhum balagh fiha wa ba'dhum iktasara 'ala al-'ilm alladhi yasluh bihi lil-fatwa wa huwa al-awla. Donc ce qui est voulu par le hakim ici dans le hadith, c'est celui qui a assez de ilm pour pouvoir émettre des jugements. Être un juge. Trancher entre les gens selon la charia. Et les gens de science ont émis des chouroutes pour atteindre, justement, ce rang. Certains ont été trop loin, ont émis des chouroutes bien plus qu'il n'en faut. Et d'autres se sont contentés de dire que c'est celui qui a assez de science pour pouvoir émettre des avis juridiques, des fatwas. Et cet avis-là est plus proche de la vérité que le premier. يقول وفي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم لأنه لم لا يحل له الاقتدام على الحكم وهو جاهل. De ce hadith, qu'est-ce qu'on comprend? Que l'ignorance, si jamais il se mettait à faire un jugement et qu'il voyait juste quand même, eh bien, il serait quand même injuste, aurait le péché, car à la base, il n'est pas apte à faire ce travail-là. Il n'est pas apte à remplir ce rôle. D'accord, même s'il a raison, mais qu'il juge avec l'ignorance, eh ben, il sera injuste, il aura le péché. يقول الله عز وجل ولا تكف ما ليس لك به علم. Et ne recherche pas ce dont tu n'as pas de savoir. Et beaucoup de gens se mettent à parler, à mettre des avis, à ouvrir des débats, à faire des discussions, des polémiques, dans des sujets qui ne leur reviennent pas et qui ne maîtrisent pas. Et pourtant, certains vont dire des paroles correctes lors de ces débats, lors de ces échanges, lors de ces, selon leurs avis, mais malgré cela, eh ben, ils seront surpris qu'on leur dise, malgré tout, tu as le péché d'avoir parlé sur Allah sans science, sur la religion sans science. Comme encore le Subhana, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dit que mon Seigneur n'a fait que interdire les turpitudes autant cachées qu'apparentes, ainsi que le péché et l'injustice sans droit, et de associer à Allah quoi que ce soit, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc parler sans ilm, même si on dit une parole qui est correcte, eh ben, on aura commis une chose interdite. Chose que beaucoup de gens aujourd'hui négligent et ne s'imaginent pas ou ne réalisent pas les conséquences qui en découlent. Car aujourd'hui, tu vois juste, demain tu vois juste, après tu prends la confiance, dans 3 jours, tu dis n'importe quoi et tu t'arrêtes plus. Et tu penses que tu as raison, tu égares les gens. Tu t'égares toi-même en premier lieu, puis les gens qui t'écoutent, qui pensent que tu sais alors que tu ne sais pas. Non. يقول ودل على أنه لابد للحاكم من الاجتهاد وهو نوعان. Donc cela implique que le hakim, le juge, doit avoir des moyens de pouvoir faire un ijtihad. Ça veut dire des fois tu as des situations, tu n'as pas un texte clair et c'est à toi de trouver des éléments dans d'autres situations qui t'amèneront à trouver un jugement correct. Donc ça demande de faire un effort d'interprétation, de compréhension et de réflexion, de réunir entre les versets, entre les ahadiths, entre les paroles des sahaba, entre les paroles de certains salafs après eux, ainsi de suite, de pouvoir en déduire de tout cela un jugement sur une question sur laquelle tu n'as pas de dalil clair, explicite ou authentique. Ça amène à faire un ijtihad quand les éléments sont manquants. Et cet ijtihad, il est de deux sortes. Ijtihad fi idkhal al-qadiyya allati waqa'a fiha al-tahakum bil ahkam al-shar'iyya. Donc le premier ijtihad, c'est celui de faire rentrer cette affaire justement dans les règles de la charia. C'est-à-dire tu as une situation qui n'est pas liée à un hadith ou un verset comme on l'a dit tout à l'heure, ou autre, et c'est à toi de l'adapter à d'autres adillah pour que tu sois en mesure de pouvoir y émettre un jugement. Donc ça c'est la première sorte. Deuxième sorte, ijtihad fi tanfiz zalik al-haq على القريب والصديق وضدهما بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا لا يفضل أحدا على أحد ولا يميل الهوى فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال. Le deuxième ijtihad, c'est l'effort que la personne se doit de faire pour être équitable. Ça veut dire que pour que le jugement s'applique sur quiconque, que ce soit un proche, que ce soit une personne éloignée, que ce soit une personne qu'il aime, une personne qu'il n'aime pas, qui reste juste envers la personne et qu'il émette le jugement approprié. D'accord ? C'est-à-dire qu'il met tout le monde au même niveau. Tout le monde est mis au même niveau et cela est l'équité. Comme encore la ta'ala, ou ezekultum fa'adilu wa laukana zakurba. Si jamais vous parlez, alors soyez juste, quand bien même il s'agit d'un proche parent. Ne pas faire préférer ton père à une autre personne alors que ton père il aurait tort. Ou ne pas accorder à ton père un droit qui ne revient pas du fait que c'est ton père. Et ainsi de suite. Ou autre pour les amis, ou autre. Dans toute situation, rester équitable. Et ça, c'est une chose aujourd'hui qui est très difficile à faire. Les gens manquent beaucoup d'équité. Dans beaucoup de situations. Tu vas aller voir appliquer la vérité, la justice avec certains, et être négligent et injuste avec d'autres. Sur des situations qui sont similaires. Mais comme l'autre, il ne connaît pas, ou ne l'aime pas trop, ou voilà, il n'a pas d'affinité, eh ben, il ne va pas lui rendre son droit comme il se doit. Donc, il a dit, quand la personne, le juge, agit de la sorte et qu'il voit juste, alors il a Dans les deux cas, le juge mujtahid qui cherche la vérité, il sera forcément récompensé. Soit d'une récompense, si jamais il a tort, mais pour l'effort qu'il aura fourni, ou soit deux récompenses pour l'effort fourni et la vérité qui est atteinte. Mais attention, parce qu'il y a une règle qui existe qui dit « Kullu mujtahid musib ». Il y a une règle qui dit, mais qui est fausse en réalité, qui dit que tout mujtahid a forcément raison. On dit non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est plutôt les kulli mujtahid nasib, que chaque mujtahid a forcément une part. Une part de bien qui va atteindre. Mais le fait de dire kulli mujtahid musib, tout mujtahid a forcément raison, a atteint la vérité, on dit non. Combien de gens ont émis des fatawas, ou des avis ou des conseils qui étaient incorrects? Allez. Ma kanu musibin. Le fait d'être musib, c'est le fait d'avoir atteint la vérité. Mais celui qui rentre dans les conditions, et on dit qu'il a un nasib, il a une part. De quoi? De récompense, celle qui est de celui qui a fait l'ijtihad, mais qui s'est trompé. Et on parle bien aussi des gens de l'ijtihad, des gens de science, car t'as des gens, ils vont prendre ce genre de hadith, quand ils vont faire ils vont se mettre à parler dans la religion ou quoi, et si ils se trompent, ils disent, ouais, j'ai fait un ijtihad, j'ai une récompense. On dit, mais toi, le hadith, ne te concerne pas, t'es pas un hakim, t'es pas un alim, t'es pas un qadi. Justement, à la base, ce hadith-là, il est contre toi. Ils disent, ijtihad al-hakim. Si jamais le hakim, c'est-à-dire le juge ou le savant, fait un effort, toi tu es lequel des deux? Ni l'un ni l'autre. Donc toi, tu n'as pas à faire d'effort. Toi, tu as juste à te taire et écouter ce que les gens de science, ils émettent comme avis. Et s'ils divergent, tu regardes celui qui a l'avis qui est le plus proche du dalil. Hadaou. Ah ben, chacun, il vient, il dit ce qu'il a à dire. Après, il dit, je suis mouchtahid. Si jamais j'ai tort, j'ai une récompense. Si jamais je vois juste, j'ai une récompense. On dit là, le verset qu'on a dit tout à l'heure, il est contre toi. Tu n'as pas d'ilm, donc ne parle pas dans un sujet que tu ne maîtrises pas. On ne dit pas, tu ne parles pas dans l'absolu. On dit, tu ne parles pas dans ce que tu ne maîtrises pas. Ne parle pas dans ce que tu ne maîtrises pas. يقول والفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد وهو مأمور في الظاهر باعتقاد مقام عليه دليله بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق قاله الشيخ الإسلام. Donc il dit maintenant c'est quoi la différence qui est entre le hakim qui est mujtahid et celui qui est un suiveur de passion. C'est que celui qui est mujtahid, qui veut la vérité, il fait ce qui lui a été ordonné, c'est-à-dire d'avoir en premier lieu une bonne intention, c'est-à-dire l'intention d'avoir la vérité. Que ça déplaise ou pas, lui son but c'est d'avoir la vérité, quitte à déplaire aux gens. D'accord ? Quitte à ce que même cette vérité aille à l'encontre des attentes, de ses propres attentes à lui ou de ses proches ou autres. Son but c'est d'avoir la vérité, quelle qu'elle soit. Donc, rien que pour cette niya-là qui est là, il est récompensé. Et également, il aura fait ce qui lui aura été ordonné, de faire un ijtihad. Et il doit agir en mesure de ce que les preuves lui font apparaître. Ce que les preuves lui font apparaître, il a dit là, il agit en conséquence. Alors que l'autre, Sahib Hawa, celui qui suit ses passions, lui il parle sans savoir. Et il n'a pas l'intention de vouloir vérité. T'en as des fois, ils ont du savoir, ils ont du ilm, mais ce ilm les amène à émettre un avis qui ne leur convient pas, qui ne les arrange pas. Donc qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils trichent. D'accord? Ils trichent. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent leur passion. Et eux, là, ils prennent le péché. D'accord? D'ailleurs, Cheikh Al-Othaymin, il a dit que les ulama sont de trois catégories. Les ulama sont de trois catégories. Il dit alim daula ou alim umma ou alim din. Il est le savant de l'État, c'est-à-dire celui qui est au service de l'État, qui fait toutes les fatwas que le gouverneur lui dit de faire pour pouvoir arranger la politique du pays. Même s'il dit du haram ou autre, il va parler pour obéir au gouverneur dans l'absolu. Ça c'est alim daula. Après, Alim Umma, c'est le savant de la communauté, celui qui dit ce qui arrange les gens, le peuple, pour leur faire plaisir. Même s'il dit du faux, il va trouver des fatawas pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Leur ouvrir des portes qui, à la base, leur sont fermées en religion, mais pour leur faciliter, soi-disant, la vie, et leur rendre la vie les choses plus faciles, ils émettent des fatawas qui sont fausses. Ils rendent halal du haram, ou le contraire. Ou ils t'amènent à une porte de haram qui est, yani, très nuisible, qui va t'emmener à aller trop loin. Et ça, ils sont très fréquents, ceux-là. D'accord? Ils veulent tout le temps aider les gens, leur trouver des choses qui les issues, et ils émettent des fatawas qui sont complètement bâtis, là. Et le troisième, c'est Alim Din, c'est le savant de la religion qui dit la vérité, quoi qu'il en soit. Que la fatwa plaise ou qu'elle déplaise, il va dire la fatwa qui est en conformité avec le dalil. Et le hadith parle de ce Alim-là. Soit il a le dalil clair, et il se base dessus, soit il n'a pas de dalil clair, mais il réunit tout ce qu'il a comme élément pour pouvoir arriver à un résultat. Et là, il fait un ijtihad. S'il voit juste, il a deux récompenses. S'il se trompe, il n'en a qu'une seule. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند النزاع أو الاشتباه. C'est pour cela que le fait de juger, c'est parmi les obligations communes. C'est-à-dire si certains s'en occupe de façon suffisante, les autres n'ont pas à le faire. Tout le monde n'a pas à être juge. Tout le monde n'a pas à être alim. Tout le monde n'a pas à rentrer dans ce domaine-là. Certains seulement doivent le faire. Car c'est une chose qui est indispensable. On a besoin de juges lors des litiges, lors des divergences, lors des désaccords. Ou des fois, des personnes ne veulent pas appliquer, il faut une personne d'autorité pour leur imposer le jugement qui leur revient. D'accord? Par exemple, demain, un alim, tu vas aller le voir, t'as un khilaf avec un frère, ou avec ta femme, ou avec quelqu'un d'autre, avec un client, ou ton voisin, ou je ne sais quoi. Tu vas aller voir un alim. Tu lui poses la question de ta situation. Il va te dire, le hukm dans la situation, c'est telle et telle chose. Toi, tu fais ça, l'autre, il doit faire ça. Ou toi, tu dois arrêter de faire ça, l'autre doit arrêter de faire ceci. Il va donner une fatwa. Mais cette fatwa-là, qui c'est qui va l'appliquer? Ça se trouve, toi, la fatwa va pas t'arranger, tu vas dire, allez, tu vas tricher, tu vas déformer les paroles du alim, ou la question, tu vas la changer, ou tu ne vas pas informer des gens du droit qui leur revient. Pourquoi ça t'arrange pas? Ou tu auras raison, et ton opposant, il aura tort, mais il ne veut pas accepter. Il va dire, non, je ne suis pas d'accord avec la fatwa de Shir, moi, je connais un autre avis, un autre Shir, viens, on va voir un autre Shir, ainsi de suite. Parce que ça ne l'arrange pas. Le alim ne peut rien imposer, il émet un avis. Alors que le qadi, le juge, il va imposer ce qu'il a dit. Par exemple, il y a un problème entre le mari et la femme, d'accord, sur la dépense, mesalène, et le mari ne donne pas assez ou je ne sais quoi, et bien le qadi va imposer au mari de dépenser pour sa femme comme il le convient, en fonction de ses moyens. Et si il ne le fait pas, il aura une punition, il aura une sanction. On va lui imposer d'agir. Il y a une divergence entre deux voisins, sur une parcelle de terre ou sur autre, je ne sais quoi, le qadi va émettre un jugement qui sera imposé par l'État. Tu seras obligé d'agir. Ainsi de suite. Un commerçant a une divergence avec un client sur un prix ou sur une marchandise et les deux ne sont pas d'accord. Si on voit un qadi, le qadi va imposer selon les lois du pays d'agir à telle ou telle chose et personne n'aura le choix. Alors que le halim, non, il ne fait pas ça, le halim. Il t'informe une fatwa. Après, il n'a pas d'autre autorité sur toi. Le qadi, il a une autorité sur le pays. Donc, ce genre de postes sont indispensables et impératifs. D'accord? C'est indispensable et impératif. Taïb. Ensuite, on prend. Ah, j'ai sauté le hadith qui était avant. En fait, j'aurais dû faire le 56e et là, j'ai fait le 57e. Donc, on revient en arrière. Bon, ça ne change rien. C'était le deux hadiths qui étaient prévus qui devaient être pris aujourd'hui. D'accord? Ça ne change rien. Yaqulu fil hadith as-sadis wa al-khamsin. Donc, maintenant, c'est 56e hadith. An Ali, radiallahu anhu. Qu'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. لا طاعة في معصية إنما طاعة في المعروف. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance. L'obéissance n'est que dans le convenable. Le hadith est de muttafaqun alayh. يقول هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم. فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء وكل منهم طاعته فيما يناسب محاله وكلها بالمعروف. Donc ce hadith vient comme condition dans la limite à ne pas dépasser par rapport à toute personne qui a un droit d'autorité sur nous. Qu'il s'agisse de gouverneurs, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des époux par rapport aux femmes ou les et ainsi de suite. D'accord? Que toute personne qui a autorité sur nous, cette autorité, elle est conditionnée que cette obéissance soit dans le marlouf, dans le convenable. La seule obéissance qui est dans l'absolu, c'est celle qu'on doit à Allah Azzawajal et à son messager. Dans le Coran, Allah dit « قُلْ أَتِيعُ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتِيعُ اللَّهَ وَأَتِيعُ الرَّسُولُ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ » Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah. Là, c'est dans l'absolu. Et obéissez au messager. Ça, c'est dans l'absolu. Et après, il dit quoi dans le verset Allah? Et au détenteur du pouvoir. Il ne redit pas et obéissez. Il redit juste et. Wa. Tayeb, il dit wa. Ulil amr minkum. C'est-à-dire que l'obéissance qu'on doit au gouverneur, elle doit être basée sur l'obéissance qu'on a à Allah et à son messager en premier lieu. On ne obéit pas à un gouverneur ou toute personne qui a autorité quand cela amène à désobéir à Allah et à son messager. Que ce soit le gouverneur, que ce soit les parents, que ce soit l'époux, que ce soit le grand frère, que ce soit le cheikh, que ce soit qui tu veux qui a une autorité, cette obéissance, elle est sous la condition d'être en conformité avec la révélation. Sans quoi tu n'obéis pas. Comme l'auteur va le citer. Donc ce n'est pas dans l'absolu. D'accord ? Ce n'est pas dans l'absolu. فَإِنَّ الشَّارِعَ رَدَّ النَّاسِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى الْعُرْفِ وَعَادَةِ كَالْبِرْ وَالصِّلَةِ وَالْعَدْلِ وَالْيَحْسَنِ الْعَامِ فَكَذَلِكَ تَوْعَةُ مَنْ تَجِبْ تَوْعَةُ. Que la religion, elle renvoie les gens vers ce qui leur était ordonné, étant basé également sur les coutumes et habitudes des gens. on a des textes, des fois, dans la situation, des textes clairs. Et d'autres fois, on n'a pas de texte clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On revient aux coutumes des gens dans beaucoup de points. Tant que cette coutume et ces habitudes, même les lois d'un pays, ne s'opposent pas à la charia, on obéit. D'accord? On obéit. Masalan, un exemple qu'on donne souvent, dans certains pays, Masalan, des femmes viendraient à être mutahajibat, elles sont voilées. Dans un pays, par exemple, toutes les femmes, elles sont noires. Toutes les femmes, elles sont noires. Masalan, dans un lieu, un village, une contrée, toutes les femmes, elles sont noires. Est-ce qu'en islam, c'est obligé de se mettre en noir? Non. Il n'y a pas de texte qui analyse les couleurs. Ce qui est demandé à la femme, c'est de rester discrète et de se fondre dans la masse. Donc, dans ce pays-là, où toutes les femmes sont dans le noir, habillées en noir, la sœur ne vient pas avec un jilbab coloré, apparent. Ce qu'elle va dire, mais il n'y a rien qui interdit que je mette un jilbab de telle couleur. On dit, non, mais là, là, chez les gens, là, ce que tu vas faire, ça contredit leur coutume, donc tu vas amener à un mal. Tu vas te faire remarquer à la base le hijab, il est là pour que tu te fondes dans la masse, que tu sois discrète. Ne pas attirer les regards. Ne parlez pas de la France, s'il vous plaît, on sait qu'en France, c'est autre chose. Mais demain, tu es dans un pays, toutes les femmes sont voilées ou quoi, voile-toi comme elles. D'accord? Et les hommes, pareil. Dans un pays, hormis dans le fait que tu porterais la sunna, ne porte pas des vêtements dans un pays d'islam, d'accord, qui ne s'opposent pas à la charia, des vêtements qui contredisent la coutume des gens et qui amèneraient à choquer. Maintenant, il y a des vêtements, tu peux les mettre où tu veux. Par exemple, le kamis. Il n'y a pas des gens qui disent, oui, si on ne porte pas de kamis. On dit, kamis, c'est la sunna, moi je le porte. Kamis blanc, je le porte. Mais d'autres vêtements qui sont liés à Masalan, je donne un exemple qu'on a au Yémen. Vous voyez la tenue par les pakistanaises, là. La tenue qui porte au Pakistan, avec le kamis qui arrive aux genoux, qui est fondu sur les côtés, ainsi de suite. Eh ben, au Yémen, les machis, ils disent, tu ne portes pas ça chez nous. Pourquoi? Ils vont dire, c'est halal. C'est un vêtement d'islam. Mais chez nous, ce sont les gens qui sont liés aux idées jihadiyah, les khawarij ou autres qui portent cela. Donc toi, fais-toi discret, ne ressemble pas à ces gens-là. Ils vont dire, ailleurs, tu aurais pu le mettre. Mais chez nous, là, à ce moment-là, c'est sensible. Ce vêtement-là, si jamais tu le mets, tu veux nous causer des problèmes. On va dire, chez nous, il y a des da'ish ou il y a des al-qaïda ou je ne sais quoi. Donc évite-nous les problèmes. D'accord? Par exemple, pareil au Yémen, chez les da'ish, ils sont très cheveux longs. Parmi leurs marques, ils ont les cheveux longs. Et ben les machères au Yémen, dans la Marrakech, ils se disent, les cheveux longs, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que ça attire le regard des awam, faire croire qu'il y a chez nous, il y a des da'ish, ou les gens qui nous veulent du mal, et nous salir auprès du niveau de l'État, et après ça nous amènerait à des contraintes, alors qu'aujourd'hui, l'État nous fait confiance, il nous laisse des libertés, on va perdre tout ça à cause de quoi? D'un petit là qui a les cheveux longs, qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. On te dit, avoir des cheveux longs, c'est pas haram. Et quand on dit long, c'est pas long chevelure comme une crinière. D'accord? On parle d'une longueur qui est légiférée. Quoi qu'il en soit, les machères disent tes cheveux longs, c'est halal. Même parfois, ça a été la sunna de Nabi Sallam, les cheveux longs. Mais là, chez nous, on a une situation particulière qui fasse qu'avec ces cheveux longs-là, tu ressembles à des gens qui sont mal vus et qui peuvent nous causer du tort. Donc coupe tes cheveux. D'accord? Et en faisant cela, tu auras obéi à qui? Tu auras obéi justement aux gens de science. Et tu te seras. Tu seras dans les coutumes des gens. Donc, tu auras obéi, en réalité. Ne prends pas la fougue, c'est la sunna, moi je fais comme ça. On dit non, là, la sunna que tu vas faire, là, elle n'est pas adaptée maintenant ici, dans telle situation-là. Donc, ne fais pas de mal. Vous voyez, donc les coutumes sont à prendre en compte, ou les mansalih, les mafasid. On regarde les intérêts ou les nuisances qu'il peut avoir. On regarde cela. Vous voyez, on regarde cela. Ensuite, il dit. كلها تقيد بهذا القيد وان من امر منهم بمعصيه الله بفعل محرم او ترك واجب فلا طاعه للمخلوق في معصيه الله فاذا امر احدهم بقتل معصوم او ضربه او اخذ ماله او ترك حج واجب او عباده واجبه او بقطعه من تجب صلته فلا طاعه لهم وتقدم طاعه الله على طاعه الخلق. Donc il a dit, toutes ces obéissances citées auparavant, hormis celles qu'on doit à Allah et à son messager, elles sont toutes sous la condition de ce hadith. Donc celui à qui on ordonne de faire une désobéissance, il n'obéit pas. Par exemple, on lui dit de délaisser une obligation. Il ne le fait pas. On lui dit, comme dans le hadith, qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Donc on dit à quelqu'un de tuer une personne qui est dont le sang est illicite, il n'a pas le droit. Ou de le frapper, il n'a pas le droit. Ou de prendre ses biens, il n'a pas le droit. De délaisser le hajj obligatoire alors qu'il peut le faire, pour obéir à tel un tel, il n'a pas le droit. Ou de délaisser une obligation religieuse en mesure d'être accompli, il la délaisse pour un tel ou un tel, il n'a pas le droit. Ou de couper les liens de parenté avec les gens pour qui cela est obligatoire, il n'a pas le droit. Donc l'obéissance à Allah Azzawajal prédomine sur l'obéissance à la créature. ويفهم من الحديث أن إذا تعارض طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل أن طاعتهم تقدم لأن ترك النفل ليس بمعصية. Et dans ce hadith, on en comprend que si jamais un acte surrogatoire vient à s'opposer à un ordre d'une obligation par rapport à ces gens qui ont droit sur nous, alors qu'est-ce qu'on doit faire devancer leur ordre sur l'acte surrogatoire. Car cet acte surrogatoire, nawafil, comme elle s'appelle surrogatoire, elle n'est pas obligatoire. Alors que l'autre, l'ordre qui te donne, on parle de celui qui a autorité sur toi, ça c'est une obligation. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi qui est prioritaire? L'obligation. Par exemple, on a le hadith de Juraïj, dont on a déjà fait un audio auparavant, quand lorsque Juraïj faisait la salate, et sa mère l'appelait. Et lui ne savait pas ce qu'il répond. Alors, il continue la salate ou ce qu'il répond à sa mère. Et sa salade, il a continué. Et c'est une salade qui n'était pas obligatoire. Et ensuite, sa mère, elle est revenue. Il dit salade. Quand elle a Juraïj, quand elle a Rabbi, Ummi, on salati. Et quand elle a continué la salade, sa mère est revenue une troisième fois. Elle a appelé Juraïj. Il dit salade. Et pareil, sa salade, il a continué. Après, sa mère, elle a invoqué contre lui. Allahumma la tumithu hatta yara wujum al-mumisat. Oh Allah, ne le fais pas mourir tant qu'il ne verra pas le visage des fornicatrices. Et de là, elle a été éprouvée par la suite par cette prostituée qui l'accusait d'avoir forniqué avec elle. Ce qui lui a coûté de se faire insulter, frapper par les gens, et au final, il y a le miracle que lorsque cette femme allait accoucher, que Juraïj a ramené l'enfant, c'était encore un bébé, dans le hadith, à la base, le hadith, il parle justement de ceux qui ont parlé au berceau, et Juraïj a dit au bébé, qui est ton père? Et l'enfant a dénoncé le père qui était le berger, et non pas Juraïj. Et là, les gens, ils ont été désolés, ils ont commencé à s'excuser, et ainsi de suite. En tout cas, le shahid du hadith, c'est que Juraïj a désobéi à sa mère pour une adoration. Il n'est pas parti jouer ou faire je ne sais quoi. Il faisait une adoration et pourtant, ça lui a coûté que sa mère invoque contre lui, que sa mère soit exaucée. Alors que dire de celui qui désobéit à ses parents pour des choses futiles ou voire pire encore des choses qui sont haram? Imaginez-vous les résultats qu'il peut avoir. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une adoration surrogatoire passe après l'ordre d'une personne qui a autorité sur toi. مثلاً قال فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج نفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك المستحب وجب تقديم الواجب. مثلاً si le mari interdit à sa femme de faire un jeûne surrogatoire, elle doit obéir. Ou alors de faire un hajj surrogatoire, ou le père il l'interdit à son fils, il doit obéir. Ou le gouverneur donne des lois, impose des choses qui amènent à délaisser les choses qui sont surrogatoires. Pourquoi? Pour le bien-être du pays, pour la bonne tenue du pays. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On obéit. Mais Salène, voyons ce moment-là, à Mecca, ils ont interdit d'aller autour de la Kaaba en bas, à part les pèlerins. Celui qui n'est pas pèlerin ne peut pas aller en bas. Eh bien, nous, ça nous a déçus. Car on aimerait bien faire le tawaf auprès de la Kaaba, l'avoir de proche. Eh bien, pour l'intérêt général, parce qu'il y a trop de monde, et ce n'est pas gérable, ils ont dit non. On ne t'interdit pas de faire le tawaf ou quoi, mais tu vas à l'étage. En bas, c'est que pour les pèlerins. D'accord? Bon, qu'Allah nous pardonne, on a été amené à désobéir. Mais, de base, c'était une erreur de notre part. D'accord? Les frères qui ont fait cela, dont moi le premier, Astaghfirullah Touboulé, je l'ai fait. J'ai pas trop pris par le plaisir de voir la Kaaba devant mes yeux. Mais c'était une erreur, Mathalène. En réalité, à ce moment-là, il faut obéir. Vous voyez? Et je dis ça en conseil pour ceux qui iraient là-bas à l'avenir et qui verraient cette loi-là, qui diraient non, moi je vois la Kaaba, je vais être en face et tout. On dit non, si t'ont interdit, c'est parce qu'en fait, si on fait tout cela, eh ben les gens pourront plus faire le tawaf tranquille. Les vrais pèlerins, ceux qui font leur omra, peuvent pas la faire. On sera trop nombreux. Il y aurait une mafsada derrière. Sans compter avec les femmes, tout le monde, ce serait une catastrophe. Donc on obéit pour que les choses soient bien régularisées. Vous voyez? Et voir la Kaaba à 1 mètre ou la voir à 500 mètres, il n'y a pas plus de récompense. et en ayant obéi au gouverneur, tu seras récompensé pour avoir justement appliqué ce hadith. D'avoir obéi au gouverneur. Et dans le ma'rouf, dans le convenable. T'as la récompense. Alors que aller en bas, près de la Kaaba, t'as pas plus de récompense par rapport à la Kaaba, et en plus t'auras le péché d'avoir désobéi à l'ordre qui t'a été donné, alors que cet ordre, il était, c'était pas une chose qui amenait à une désobéissance. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما طاعته في المعروف. Et il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم que l'obéissance n'est que dans le convenable. كما أنه يتناول ما ذكرنا فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. Donc cette obéissance, elle n'est que dans le convenable et également elle est basée sur la capacité que tu obéis à une chose que tu peux faire. Des fois on donne des ordres, des choses qui te sont insurmontables. À ce moment-là, tu ne peux pas obéir. Même en religion, des fois, c'est quoi la salat? On a fait comment la salat à la base? Debout. Des fois, on est malade. On ne peut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On la fait assis. Ainsi de suite. D'accord? La salat, quand on est en voyage, la qibla, on ne peut pas la voir. Faire face à la qibla, ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on peut. Et pareil, les gens qui ont autorité ne doivent pas imposer aux autres ce qu'ils ne peuvent supporter. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma mawliya min ummati, shay'un min amrihim, fashaqa alayhi, fashuka alayhi. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, celui qui aura reçu une autorité quelconque sur ma communauté et qui leur rend la chose pénible, alors rends-lui également sa vie pénible. Celui qui rendra la chose dure aux gens, Allah lui rendra dure à lui aussi. Et le contraire, le hadith dit, celui qui leur rend les choses faciles, Allah le facilitera à lui également. Donc cette obéissance, elle est dans la capacité. D'accord? Que les parents n'imposent pas trop de choses à leurs enfants. Que les époux n'imposent pas trop de charges à leurs femmes. Et ainsi de suite. Que ce que chaque, même avec l'esclave, on peut lui imposer de faire ce qu'il ne peut pas faire. Même un esclave. Dans le cas où il y aura des esclaves, dans les règles, d'accord, tu ne peux lui faire faire un travail qu'il ne peut pas faire. Pas possible. Ça, c'est pas permis. Vous voyez? Donc voilà. Donc je répète pour ceux qui sont arrivés en retard, que je suis de retour pour un cas de force majeure en France. Je ne sais pas pour combien de temps. Et que cela amènera à ce que les horaires des Doulous soient un peu chamboulés. Ce dersola, on le continue le vendredi, samedi, dimanche, comme avant. Seulement l'horaire changera. D'accord? L'horaire changera. Et demain, par exemple, il sera probablement entre le Maghreb et l'Isha, de l'heure de France. Et dimanche, Allah Alem, je ne sais pas encore. Et après, on établira un horaire fixe. Là, ce week-end-là, c'est encore un peu chamboulé. J'ai pas encore mis en place ce que j'avais à faire. Et voilà. Il y aura d'autres doulous dans la semaine. Que j'aurai des gens ici. Mais, je sais pas s'ils seront en retransmission direct. Allah. Donc voilà. Nasallah. Assalamu ala rafiya. Fasipanaka wa bihamdik. La ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.